on dimanche matin, après mes 5 heures, où t'es belle, belle, belle, rendez-vous chérie, je t'aime vraiment, pour répondre, monsieur, est-ce c'est vérité? Respirer l'amour pour nous partager un bon calalou.